FrenchPod.com. Comment s'est passée ta journée, mon cœur ? Oh là là, j'ai passé une journée horrible. Je suis arrivé en retard au travail, le patron m'a donné une tonne de boulot et on a perdu nos principaux clients. Oh mon pauvre ! C'est pas tout ! Je n'ai pas pu déjeuner ce midi. Pourquoi ? J'ai oublié mon portefeuille à la maison ce matin. Tu dois avoir super faim, mon chéri. Prends un bain et entre-temps, je vais aller chez le traiteur asiatique en bas chercher des nems et du riz cantonais. On va manger en regardant un gars et une fille et ça ira mieux. Merci bébé, heureusement que tu es là.